shipless ocean. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. Sail to me, sail to me. Let me unfold you. Here I am. Here I am. Waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fought? Now my foolish boat is leaning, broken love long on your rocks. Touch me not, touch me not. Bonsoir, bonsoir, c'est progressif, c'est prog à part, l'émission du rock progressif, j'en perds mon latin, mais à force de discuter avec l'ami Christian, on était un petit peu ailleurs, j'étais un petit peu ailleurs. Oui, bonsoir, bonsoir, c'est prog à part, l'émission du rock progressif, on a commencé lentement mais sûrement avec des valeurs sûres, j'en veux pour preuve, Robert Plant avec 66 to Timbuktu, 66 à Tombouctou. C'est un album de 2003, décidément. Je vais essayer de me calmer un peu. Je disais, c'est un album de 2003 qui comporte une version sublime de Song to the Siren, qui est un morceau bien connu de Jeff Buckley. Voilà, donc 66 to Timbuktu. J'ai adoré cette reprise. Je trouve qu'il y a des échos, des réminiscences de Cachemire, notamment avec le côté un peu oriental, le côté aussi clavier, on retrouve notamment ce cher mélotron. Voilà, et puis bien sûr la voix, donc vraiment il y a un texte superbe. Ensuite, nous sommes passés à la première nouveauté de ce soir. La première nouveauté, c'est tout simplement Palace 25, nouveau Palace avec un nouveau chanteur et une cuvée qui est ouf. Moi, j'ai pas trouvé ça grandiose. Alors que je précise, je le souligne et j'affirme que je suis un amateur, un gros fan de Palace. J'ai été parmi les tout premiers à les apprécier à l'époque de The Sentinel. Donc oui. Oui, oui, ça s'écoute, mais c'est pas grandiose, ça n'a pas la majesté, la puissance des Palace antérieurs. Ensuite, une nouveauté de ce petit label britannique qui monte. Je veux parler de Carscope, si vous préférez, avec Gaspacho, un nom qui me fait toujours un peu rire, qui fait plus penser à une spécialité culinaire espagnole que à un groupe de prog. Misa Atropos, c'est le titre de leur album. Ça vient aussi tout juste de sortir et je vous ai passé. Je me suis pas fatigué, j'avoue. Misa Atropos. Voilà, après Robert Plant, Palace, Gaspacho, on continue cette fois-ci avec un groupe italien, une formation italienne, et c'est aussi une nouveauté. Mogador, on a le droit aussi de rire, parce que pour nous français, ça fait penser à d'autres choses. Mogador, et un album qui s'intitule All I Am Is Of My Own Making. All I Am Is Of My Own Making. Tout ce que je suis, c'est de mon propre fait. Voilà tout de suite, Mogador. Thank you. D'une grande richesse, cet album des Danois, The Colibro, ça s'écrit C-O-L-I-B-R-O, C-O-L-L-I-B-R-O. Et le titre de leur album, c'est Leiserstil, L-I-S-E-R-S-T-I-2-L-E. Ce sont des Danois et j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très intéressant, très fort. J'espère que vous avez pu partager mon opinion, mon coup de cœur. Deuxième coup de cœur de cette émission de ce mois-ci, Delusion Squared. Delusion Squared, malgré le nom, ce sont des Français. Delusion Squared, malgré la qualité, ce sont des Français. Je dis ça volontairement avec humour, parce que ces petits jeunes, eh bien, ils nous sortent un premier album de toute beauté, et je souligne, surligne, de toute beauté. Voilà, Delusion Squared, Delusion Squared, si vous préférez, et un album qui s'intitule pareil, hein, donc c'est à la fois le titre du groupe et le titre de l'album. Et je vous propose le numéro 7, le morceau numéro 7, By the Lake. Pregnant clouds with the

Silent Clock, l'horloge silencieuse, un jeune groupe bien prometteur de Bordeaux. Quand j'ai vu le nom d'un des musiciens, Rémi Grandjean, je n'ai fait qu'un bond. Vous vous rappelez peut-être, hein, Jean-Claude Grandjean, ça vous dit rien? Si, Harmonie, eh oui, le magazine de rock progressif, pionnier de France et de Navarre, Jean-Claude Grandjean, eh bien c'est le papa, voilà. Silent Clock, c'est leur premier album, un album intitulé Elephants and Porcelain, j'aime bien le titre, hein, des éléphants et de la porcelaine, sorti chez Muséa Parallèle. C'est pas du progressif, hein, malgré le morceau que je viens de vous choisir, qui est le morceau progressif de l'album. Tout le reste s'en est pas, mais c'est très très bien. Il y a pas que le progressif dans la vie, et c'est très très chouette. Ça rappelle un peu Placebo, un peu Muse, un peu tous ces groupes là, Coldplay, qui sont pas très loin de nos sphères. Un petit peu Cure aussi, donc que de la bonne chose. Voilà, donc après Delusion Squared, Silent Clock, des groupes français, vous avez pu le noter, on va continuer notre parcours français avec une petite vieillerie, une petite rareté des familles. Voilà, votre humble serviteur, en fouinant sur le net, a retrouvé la trace de Nirvana, non pas le groupe de Seattle de Kurt Cobain, non, Nirvana, ça a été avant. Un groupe dans les années 70, un groupe de Martigues, un groupe qui avait remporté le Golf Drouot quand même, hein, comme Ange, et qui était effectivement proche d'Ange. Votre humble serviteur, dans son jeune temps, a pu les voir à Cassis, il a été tout content de pouvoir les retrouver. Et vous retrouvez ainsi, vous allez pouvoir lire ainsi une petite biographie dans le prochain Nancy Dragon. En attendant, je vous propose un morceau que le groupe a bien voulu mettre en ligne. Ça s'intitule L'Oracle, hein, qu'avec un nom comme ça, je veux dire, c'est très parlant de l'univers angélique de ce groupe de Martigues peu cher, Nirvana. Voilà, c'est court, mais il reste plus grand chose de ce groupe, même s'ils se sont formés tout récemment pour faire des jam sessions. Je veux dire, au niveau discographique, il n'y a pas grand chose. Malheureusement, au moment où le groupe allait enregistrer, eh bien, il a splitté. Nirvana, voilà, proche, ça rappelle aussi, moi ça me rappelle un petit peu Pentacle, n'est-ce pas? On passe maintenant à un petit cadeau, c'est un petit cadeau de la part du groupe Silver Lining. Vous avez été une centaine de personnes à venir nous applaudir et quel public, un public absolument magique. Et vraiment du fond du cœur, on vous fait ce petit cadeau ce soir, histoire de prolonger un petit peu le bonheur que nous avons eu de jouer et que je pense vous avez éprouvé pendant ce concert. Voici en avant-première, même si je dois pas utiliser ce terme à la radio, voici en exclu, voici en cadeau Bitterness, c'est la version studio, je pense celle qui devrait être réservée, gardée pour le deuxième album, si tout va bien. En tout cas, c'est une version studio. Voici tout de suite pour vous, on vous remercie encore du fond du cœur, Bitterness, Silver Lining. Sometimes, out of the swell, emerge several calls, or even helpless hands, quickly drowned by the crowd. Alone in a fortress, I like to forget a biting coldness which grows in my heart. Exile in my cell, dreaming of Eden, I like to be a seagull and fly from day's dawn, curled up in a veil, hidden in a heart. I could yet forget a sea so thin. Float like a bird, float, gather notes with your smile. Fly me away, fly, fall, my beloved. Silver Lining, Bitterness, apparaître sur le prochain album. Une petite vieillerie bien sympathique du Québec, du Canada, 76. C'est un album et un groupe unique. Ils ont fait qu'un album et unique aussi par le talent. Je veux parler de Pollen. Rien à voir avec les Lyonnais de Pulsar qui avaient sorti un album qui s'appelait Pollen. Non, ça c'est le nom du groupe. Leur album s'appelle Same, Pollen, assez court. Et un morceau vraiment très très beau, aussi bien par la musique que par les paroles. Oui, le progressif, c'est aussi des paroles raffinées, travaillées, recherchées. J'en veux pour preuve ce morceau. Écoutez bien, c'est, je trouve ça très très beau. Ça s'intitule L'Indien. Voilà tout de suite, Pollen. À cheval sur la rue Ontario. Il fait chaud, puis il fait tellement beau. Je m'imagine que l'homme est juste. Je m'imagine que l'homme est beau. Les rues sont tellement souillées. Je veux m'éloigner. Les gens sont tellement fanés. Je vais m'en aller à cheval sur la rue Ontario. C'est donc le fun d'entendre les petits oiseaux. Ils me rappellent mes vieux sentiers. Ils me rappellent la liberté. Les rues sont tellement souillées. Je vais m'en aller. L'amour tellement souillé. Séquence concert. Quoi de neuf ce mois? Qu'est-ce qu'il y a comme concert? Eh bien, il y en a deux coup sur coup. En même temps, le même soir, fallait le faire. Le 21-02, donc le 21 février, Anathema au Ninkasi. Anathema, donc à ne pas rater avec un nouvel album qu'on a passé ici, qui est superbe. Le 21-02, donc le même soir, The Daedalus Spirit Orchestra. The Daedalus Spirit Orchestra, si vous préférez. The Daedalus Spirit Orchestra, un jeune groupe, j'ai cru comprendre qu'ils étaient de Paris, qui va sillonner la France, puisqu'ils jouent donc à Lyon. Ils vont jouer également à Marseille. Ils sont de passage chez nous. Ils joueront à la Marquise. C'est un groupe un petit peu post-rock, si je puis dire, assez proche de ce que fait donc Porcupine Tree. Donc le choix va être difficile, à moins de papillonner, d'aller de l'un à l'autre. Je vous laisse en tout cas devant vos responsabilités. On continue notre parcours musical avec une nouveauté qui vient de Suède, Parlind Project. J'en connais qui vont avoir des yeux qui vont briller. Parlind Project est de retour parmi nous avec Time Mirror, le miroir du temps. Time Mirror, Parlind Project, c'est quand même leur quatrième album. Un album qui, j'avoue, m'a un poil déçu. Mais il y a quand même de bonnes choses à écouter, à extraire de cet album. Entre autres, le morceau qui vient, le long morceau, With Death Unreconciled, avec la mort non réconciliée, Parlind Project. We'll be right back.

C'est bien agréable tout ça, ça vient de Norvège. Le groupe s'intitule Airbag, on ne peut pas dire que ce soit très révolutionnaire comme nom, Airbag. Et le titre de leur album, Identity. Airbag, c'est de Norvège, c'est de 2009. Donc là, on attaque des petites nouveautés un petit peu vieilles, si je peux me permettre. On continue avec une petite nouveauté un peu vieille aussi qui était passée à travers les mailles du filet de Prog à part. Je veux parler de Moth Vellum. Moth Vellum, c'est un groupe américain. Ils ont sorti un premier album en 2008, donc c'est encore un peu plus ancien, fortement influencé par Yes et par le progressif symphonique comme on l'aime. Voilà, je vous propose Against the Suns, contre les Soleil, Against the Suns, Moth Vellum. Thank you. Voilà, l'émission touche pratiquement à sa fin. On va terminer avec une petite vieillerie. Alors là, c'est carrément 70s, second hand. Une petite vieillerie que j'ai retrouvée par derrière les fagots de mémoire, parce que j'ai pas toutes mes notes ici. C'est du début des 70s, donc 71-72. Ce dont je suis sûr, c'est britannique. Vous allez voir, c'est assez curieux. Il y a un côté psyché, un côté prog, early prog, proto-prog. On y retrouve quelques influences, notamment de King Crimson, notamment avec l'aspect mélotron. Voilà, Second Hand pour terminer en douceur cette émission de Prog à part et cette édition de février. voilà, c'est tout comme ça, allumé, inventif, coché la case correspondante de second hand, c'est du deuxième jus, c'est de la deuxième main, c'est de l'occasion. J'aime bien le titre, enfin le titre, le nom du groupe. Voilà, Proc à part, c'est fini. Et oui, vous pouvez écraser une larme émue. On se retrouve dans un mois, le dernier lundi. J'ai pas regardé ma montre, mais vous calculerez vous comme des grands. Donc quel lundi ça tombe? Mais c'est facile, dernier lundi du mois de février, et puisqu'on passe en février demain, et donc ça c'était l'émission de janvier, voilà, jusque là je vois que vous suivez, ça sera comme d'habitude de 20h30 à 22h30, d'ici là, bien, méfiez-vous des contrefaçons, surtout n'oubliez pas de vous brancher sur notre podcast, progcast si vous préférez, c'est facile, vous tapez prog à part en un seul mot et vous trouvez au joie extrême l'émission. Cette émission elle sera en ligne je pense vers mercredi ou jeudi, grâce à nos amis et nos efforts et les efforts conjugués d'Olivier, de Jean-Louis et de Madeleine. Je pense que on y arrivera à avoir une émission de qualité. En tout cas, on s'efforce justement d'améliorer de fois en fois la qualité sonore. Bientôt on va arriver à du HQ. Vous trouverez également, ça c'est nouveau, puisque justement je vois que ce progcast a un certain impact, et bien vous retrouvez des archives, c'est-à-dire votre humble serviteur a fouillé dans sa collection de cassettes et a retrouvé des vieilleries des années 80, 90 et 2000, et petit à petit il va vous les mettre en ligne. Vous pourrez retrouver comme ça des émissions du passé de Prog à part, notamment une belle série avec Olivier Davenas. Coucou Olivier, je sais que tu nous écoutes. Et puis les interviews intéressantes, je pense à Stéphane Ozio par exemple, André François Ruot par exemple, et j'en passe les meilleurs, l'équipe de Big Bang, l'équipe de plein de magazines, de groupes, etc. Donc des belles choses, des émissions thématiques spéciales grands groupes pour la fête des pères, j'ai le droit de rire, spécial errance, l'errance, le voyage, etc., etc. Donc tout ça, vous allez le retrouver bientôt en ligne. En tout cas, eh bien, d'ici là, tenez tati et à que la prochaine. Ciao, ciao. C'était Prog à part, l'émission du rock progressif présentée par Thierry Sportouche, réalisée par Thierry Sportouche avec le soutien d'Olivier, de Jean-Louis et de Madeleine, et bien sûr le soutien amical, je le sais, de Michel, fidèle au poste. Ciao, ciao. With a smile.